Son patronyme est Aristide, mais tous les Haïtiens l'appellent Titide. Titide, l'avocat des déshérités, le prophète des bidonvilles, le prêtre rouge. Quant à la fin 1990, il est triomphalement élu président de la République de Haïti. Il représente un formidable espoir, et pas seulement pour les Haïtiens, pour la plupart des citoyens du tiers-monde, accablés par le sous-développement, la corruption et la tyrannie. C'est un dirigeant d'un genre nouveau qui émerge, et les démocrates du monde entier se réjouissent. Après 30 années de dictature et 4 années d'une transition démocratique sanglante et désastreuse, Haïti, qui est le pays le plus pauvre du continent américain, se met enfin à espérer. Mais 9 mois plus tard, Jean-Bertrand Aristide est renversé par un putsch militaire et le pays sombre à nouveau dans le chaos, l'arbitraire et la misère. Avec M. X, nous avons déjà parlé de Haïti, cette moitié de l'ancienne Hispaniola, l'île où Christophe Colomb a accosté pour la première fois dans ce qu'il croyait être les Indes. Haïti, devenu ensuite une possession française, puis la première république noire de l'histoire. Mon interlocuteur a longuement évoqué la sanglante dictature des Duvalier père et fils qui ont mis le pays en coupe réglée et l'ont scandaleusement exploité, pour leur plus grand profit naturellement. Babidoc, le fils, a été chassé en 1986 et il a curieusement trouvé refuge chez nous. N'y revenons pas. Retenons simplement que cette petite république a toujours fait l'objet d'une attention particulière des États-Unis qui l'ont même occupée militairement pendant une vingtaine d'années. Alors, Titide, dirigeant anti-impérialiste, a-t-il été victime d'une machination tramée à Washington? C'est une des nombreuses questions auxquelles M. X se propose de répondre. Debout. Et lorsqu'on parle de Haïti, il ne faut jamais oublier que Cuba se trouve à moins de 100 km. Et les côtes de Floride ne sont pas très loin, non? C'est exact, oui. Et les Américains, au nom de la fameuse doctrine Monroe, s'y sont toujours sentis comme chez eux. Mais une île, donc, sous influence. En tout cas, sous surveillance. Et quand Jean-Bertrand Aristide est triomphalement élu en 1990, à Washington, on fait la grimace. Oui. Alors, un mot, peut-être, sur l'itinéraire d'Aristide. Volontiers. Titide, ainsi qu'on l'appelle, est né au début des années 50 dans une famille de paysans très pauvres. Mais c'est la condition de la plupart des paysans haïtiens. Hein. Oui, vous avez raison. Rappelons que la société haïtienne est profondément divisée. L'écrasante majorité de la population vit dans la misère, tandis qu'une minorité possède toute la richesse économique de l'île. Mais il existe aussi un autre facteur de division, la couleur de la peau. Ah oui, c'est entre noirs et mulâtres, c'est oui, ça. Enfin, ouais. Les mulâtres, qui sont les descendants des esclaves affranchis, forment l'élite sociale. Ils ont pris la place des anciens colons. Et cette minorité règne sur la population noire, qui est généralement analphabète. Mmh. Et ces deux divisions-là se recoupent? Bien sûr. Les riches, ce sont les mulâtres. Ah oui, alors, les exploiteurs. Ouais, enfin, il faut ajouter que l'extrême pauvreté, toujours croissante, et la violence latente ont conduit des centaines de milliers de Haïtiens à fuir leur pays. Enfin, ça, nous en reparlerons, si vous voulez bien. Ouais. Alors, reprenons, Aristide. Après la mort de son père, Aristide est recueilli par des moines, des Salésiens, établis à Port-au-Prince. Et le jeune homme commence des études de théologie. Il a 29 ans quand il est ordonné prêtre. Mmh. Est-il déjà chatouillé par la politique? Oui, c'est un adepte de la théologie de la libération. Mmh. C'est-à-dire de l'engagement des prêtres dans l'action sociale et même révolutionnaire. Ouais, un mouvement essentiellement latino-américain qui hérite le Vatican. Et dans ses premiers sermons, Aristide tire à boulet rouge sur la dictature de Duvalier et les exactions des tontons Macoutes. Les bons pères salésiens, ça donne un très mauvais œil, d'autant qu'ils sont soumis aux pressions de Babidoc. Aristide, donc, est fermement invité à quitter le pays. Mais fermement, il obéit? Il n'a guère le choix. Il part alors pour le Canada, où il passe une licence de psychologie. Ensuite, il va à Rome, puis en Grèce et en Israël, afin de parfaire ses études de théologie. Il en profite aussi pour apprendre plusieurs langues étrangères. Mmh. Mais c'est donc un intellectuel. Incontestablement. En tout cas, il se présente comme tel, et ça le desservira. C'est-à-dire? Un de vos confrères a parlé à propos d'Aristide de complexe du forantème. Complexe de supériorité. Ça deviendra de plus en plus évident lorsqu'après le putsch de 1991, il reviendra au pouvoir. Mais enfin, n'allons quand même pas trop vite. Mm-hmm. À son retour, donc, en Haïti, Aristide est nommé curé d'une église située au cœur d'un bidonville de Port-au-Prince. Et est-ce qu'il recommence aussitôt à prononcer des prêches enflammées? Il ne pouvait pas en être autrement. Aristide était ainsi, c'était plus fort que lui. Vous n'avez pas l'air d'avoir une grande sympathie pour le personnage. Bon, je vous dirais d'abord que mes sentiments personnels n'ont absolument rien à voir dans cette histoire. Hein. Enfin, bon, si vous voulez savoir, j'ai, comme beaucoup d'autres, accueilli avec faveur son arrivée au pouvoir. Mais ensuite, Aristide a déçu. Énormément déçu. Question subsidiaire, là. Les services français ont-ils joué un quelconque rôle dans toute cette affaire? Naturellement. Haïti, ne l'oubliez pas, est un pays francophone. Et les Américains n'ont cessé de nous mettre des bâtons dans les roues afin de contrer notre influence à nous, Français. Notre influence et nos intérêts économiques. Par conséquent, le sort de cette petite république ne pouvait pas nous laisser indifférents. Non, soyez clair, les services secrets français sont donc intervenus. À quelques reprises, oui. Enfin, je ne peux pas vous en dire plus. En outre, Haïti était une chasse gardée des Américains. Ouais. Alors, revenons à Aristide. Il revient donc chez lui au milieu des années 80 et très vite il va devenir excessivement populaire. Et comment vous expliquez ça? Bah, écoutez, c'est vrai, on peut s'interroger, car physiquement ce petit homme laid et frêle n'a vraiment rien d'attirant. Alors, la magie du verbe, certainement. Tidit sait parler aux foules. Il y a du prophète chez lui, il emploie les mots que les pauvres veulent entendre. Il attaque les exploiteurs, les impérialistes et Duvalier naturellement. Et à l'occasion, il n'hésite pas à se servir du vaudou, qui est la véritable religion de l'île. Pourtant, c'est quand même un prêtre catholique. Bien sûr, mais c'est d'abord un haïtien. Ouais. Et ça, ça se manifeste comment, appelons ça, connivence avec le vaudou? Eh bien, par exemple, lorsque Jean-Bertrand Aristide commencera à songer à se lancer sérieusement dans la politique, en créant un parti, il adoptera un emblème, le coq, qui est l'un des animaux fétiches des adeptes du vaudou. Bon, j'imagine que son discours doit lui attirer pas mal d'inimitié. Forcément. Pour le pouvoir, pour la hiérarchie catholique, c'est simple. Aristide est un communiste. Et ça lui vaut d'être physiquement menacé. Avant et après le départ de Babidoc en 1986. Oui, ça se traduit comment ces menaces-là? Il est victime de plusieurs tentatives d'assassinat. En effet, le départ forcé de Duvalier Junior ne règle rien. Et d'abord parce que si le dictateur a quitté Haïti, la plupart de ses partisans, eux, sont restés. En particulier les redoutables tontons Macoute. Et la démocratisation est un véritable échec. Un échec sanglant. Les putschs succèdent aux putschs et le pays devient ingouvernable. Et alors la puissance tutélaire, là, les États-Unis ne réagissent pas? Bien au contraire. Il se trouve par exemple derrière le dernier putsch, celui du général Prosper Avril. Un homme qui est directement lié à la CIA. Ça au moins c'est clair. Ouais. Oui, les officiers de la petite armée haïtienne ont tous été formés par les Américains au sein de cette pépinière de dictateurs, l'école militaire de Fort Benning. On en a souvent parlé d'ailleurs. Ouais. Mais Avril, pas plus que ses prédécesseurs, ne parvient à gouverner. Et en 1990, il finit par baisser les bras. Une présidente par intérim est nommée en attendant de nouvelles élections. Et c'est là alors que Aristide va apparaître. Oui, c'est ça. Tout au long de ces années de troubles et de massacres, il a créé et structuré son propre parti, le mouvement Lavalas. Ce qui veut dire en créole l'avalanche. Et c'est en effet une véritable avalanche qui va s'abattre sur le pays. En décembre 1990, le candidat des déshérités est élu dès le premier tour avec 67% des voix. Et cela contre un candidat soutenu par les Américains. Un triomphe donc. Incontestablement. Et un formidable espoir pour les Haïtiens. À l'exception notable des grandes familles qui ont peur de perdre leurs privilèges. Aristide annonce en effet qu'il va procéder à une réforme agraire, bloquer les prix des produits de première nécessité, augmenter le salaire minimal, et en outre, le prêtre est décidé à lutter contre la corruption et le trafic de drogue. La drogue? Oui, en raison de l'impuissance des autorités pendant les années de troubles, les trafiquants colombiens ont fait de l'île un véritable carrefour du trafic. La drogue arrive à Haïti, puis repart ensuite vers les côtes américaines toutes proches. Et dans la suite de cette histoire, cette question va jouer un grand rôle, mais... n'allons pas trop vite, c'est bien ça. Ah, si vous me volez mes réparties maintenant... je m'y essaie, c'est tout. Bon, admettons. Est-ce que Aristide, enfin, malgré le soutien populaire dont il bénéficie, a une chance de pouvoir réussir? Il faut d'abord noter que le jeune président, en dépit de l'enthousiasme qui l'anime, n'a guère d'expérience. En matière économique en particulier, il n'y connaît rien. Puis il y a toutes ces forces qui ne sont guère disposées à accepter la mainmise d'un dirigeant de gauche et même d'extrême gauche. Ouais, les grandes familles. Et les anciens tontons Macoute. Puis il y a les Américains. Le président Bush n'a pas apprécié l'élection du prêtre. Parce qu'il a peur que ça donne des idées à d'autres opposants sud-américains. Mais évidemment, pour Washington, ce type, c'est un nouveau Castro. Et on a une première indication de l'hostilité qu'il engendre dès le début 1991. Avant même que le président Aristide n'entre en fonction, un ancien ministre de Babidoc tente un putsch. Mais l'armée intervient, c'est l'échec. Toutefois, ce n'est que partie remise. Parmi les forces qui, dès l'élection de Jean-Bertrand Aristide, vont s'opposer à lui, Monsieur X a parlé des grandes familles, des Américains et des anciens partisans des Duvaliers. Il faut aussi évoquer la hiérarchie catholique. Ainsi, voici ce que je lis sous la plume de Jean-Michel Carrois, l'envoyé spécial du Monde. Sa réputation de prêtre rouge s'affirme lors de ses sermons enflammés dans l'église Saint-Jean Bosco, au cœur du bidonville de la Saline, près du port de la capitale. Il attaque pêle-mêle les Makoutes, l'impérialisme américain et la hiérarchie conservatrice de l'église catholique. Traqué par les duvaliéristes qui tentent de l'assassiner à plusieurs reprises, il devient la bête noire du nonce apostolique Paolo Romero et des évêques qui l'accusent d'exalter la lutte des classes. Le conflit atteint son point culminant en novembre 1988, lorsque le père Jean-Bertrand Aristide est expulsé de l'ordre des Salésiens. Le Vatican, qui sera le seul État à reconnaître les autorités de fait mises en place par les putschistes, ne lui pardonnera jamais. Mais Aristide lui-même a commis des fautes. Carrois écrit plus loin, je le cite. Au cours de son bref passage à la présidence, Jean-Bertrand Aristide s'est efforcé de réformer l'administration et d'assainir les finances publiques. Mais plusieurs de ses discours menaçants à l'égard de la bourgeoisie ont créé un climat peu propice à la reprise de l'investissement. Ses adversaires l'ont accusé d'avoir méprisé le Parlement et les partis politiques et surtout d'avoir incité ses partisans à la violence. Deux jours avant le coup d'État, il invitait ses supporters à recourir, sans le nommer, au supplice du père Lebrun, c'est-à-dire un pneu enflammé autour du cou, pour faire face aux menaces putschistes. Très vite après l'installation d'Aristide au palais présidentiel, il y a des rumeurs de putsch. Mais le président n'y croit pas trop. En fait, Tidide, enivré par sa triomphale élection, pense que le soutien du peuple le protège à jamais. C'est de la naïveté. Ou de l'amateurisme, que vous voudrez. Jusqu'au bout, il ne verra pas le danger. En plus, il accumule les maladresses. Au lieu de s'attaquer à ses ennemis les uns après les autres, il les prend tous de front. Pire, il liquide la haute hiérarchie militaire. Or, il y a parmi ces généraux des légalistes qui étaient prêts à le soutenir. Je pense en particulier à un général qui avait fait échec au putsch que préparaient les tontons Makoutes. Grave erreur, donc. Mais certainement, oui. Et en septembre 91, profitant du laisser-aller du week-end, les putschistes passent à l'action. Et qui sont-ils alors ? L'homme qui prend l'initiative n'est autre que le chef de la police, un certain François. C'est un ancien partisan de Duvalier. Et il est resté en place. Oui, encore une erreur de Tidide. J'ajoute, et ça ne vous étonnera sans doute pas, que François était aussi fortement soupçonné d'être lié aux trafiquants de drogue. Ouais, ces trafiquants que Aristide voulait justement éliminer. Les hommes de François commencent par s'attaquer à une compagnie de blindés stationnée à proximité de Port-au-Prince. Il y a des morts. Mais les militaires finissent par se rallier aux rebelles. En même temps, des hommes armés prennent position dans les quartiers populaires et les massacres commencent. Parce que c'est là, dans ces quartiers populaires, que résident les partisans de Tidide. Naturellement. Et les rares témoins encore en état de parler diront que c'est la plus grande tuerie qu'a connue Haïti depuis des dizaines d'années. Les hommes de François, dont beaucoup sont anciens tontons Makoutes, tirent sur tout ce qui bouge. Et Aristide. Attendez, j'y viens. L'artisan du putsch, c'est donc le chef de la police. Et ça ne plaît pas trop aux Américains. Et pourquoi ? François n'est pas un de leurs hommes. En fait, un coup d'État était bien prévu, mais c'était le chef de l'armée, le général Cédras, qui devait en être l'initiateur. Cédras, un très bon ami des Américains. Donc, François l'a donc précédé, oui, c'est ça et, oui. Et ordre est donné à Cédras de récupérer le coup au plus vite. Ce qu'il va faire. Exactement. Cet homme intelligent s'impose, et François s'incline. S'il n'a pas été viré par Aristide, c'est grâce à Cédras. Alors, je reviens à ma question. Que devient Aristide ? Il est cerné dans sa maison par les hommes de François. Et c'est alors qu'intervient notre ambassadeur. Il prend sur lui d'aller chercher Aristide et de le conduire au palais présidentiel dans son auto blindé. C'est une initiative courageuse, mais malheureuse. Car ce que ne sait pas notre ambassadeur, c'est que le général Cédras a déjà pris possession des lieux. Et par conséquent, Aristide va aller se jeter dans la gueule du loup. C'est exact, oui. Mais qu'est-ce qu'on en fait alors ? Les Américains ne tiennent pas à ce qu'on l'élimine physiquement. Pourquoi ? De peur d'être accusé ? Bien sûr. Donc Cédras, conformément aux ordres qu'il a reçus, va se débrouiller pour expédier Aristide hors du pays. Un avion le conduit d'abord au Venezuela, puis à Washington. À Washington, alors où, selon vous, on aurait travaillé à sa destitution ? Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais c'est la vérité. Ouais. Les Américains entendaient peut-être le contrôler, non ? Sans doute. N'oublions pas qu'il demeurait le président élu. Et qu'officiellement, les États-Unis s'étaient empressés de condamner les putschistes à l'image du reste de la communauté internationale, d'ailleurs. Oui. Une condamnation parfaitement hypocrite, si je vous ai bien compris. On peut le penser, en effet. Et les mesures de rétorsion, essentiellement économiques, prises à l'encontre de Haïti, se révèlent bien peu efficaces. D'ailleurs, elles seront rapidement levées. À Washington, Aristide est donc traité avec les plus grands égards. Il est même hébergé par le département d'État. Tandis qu'en Haïti, la répression impitoyable se poursuit. Il y a des centaines de morts. Mais c'est l'armée qui sévit. L'armée, oui. Mmh. Mais surtout ceux qu'on appelle les attachés. Des auxiliaires de police qui sont les héritiers en ligne directe des tontons Macoud, des Duvalier père et fils. Ouais. En somme, rien n'a changé. Non. Et ce sont toujours les mêmes qui tirent les ficelles. Toutefois, le putsch et les violences qui l'ont accompagné vont avoir des conséquences imprévisibles. Les Haïtiens fuient par dizaines de milliers ce régime de terreur. Mais où vont-ils alors? Aux États-Unis, bien sûr, où il existe déjà une très importante communauté haïtienne. Et ce flot de réfugiés ne va pas sans embarrasser Washington. Et le président Bush envoie l'US Navy pour refouler ces immigrants indésirables. On est alors en pleine campagne présidentielle aux États-Unis. Et l'adversaire de George Bush, Bill Clinton, critique violemment cette politique brutale et inhumaine. Et il promet d'y mettre fin s'il est élu. Et comme il va être élu... Il s'empressera aussitôt de renier sa promesse. Et il procédera lui aussi à des rapatriements forcés de ces boat people. C'était donc une promesse uniquement électoraliste. Ouais, pour Clinton, il s'agissait de recueillir les voix des électeurs noirs. C'est tout. Toutefois, la question haïtienne demeurait une épine pour la Maison-Blanche et Clinton devait s'efforcer de l'extirper. Mais comment alors? Tout d'abord, comme son prédécesseur, il accable Jean-Bertrand Aristide d'amitié. Sincère? On peut en douter, mais enfin, poursuivons. Dans le même temps, Washington fait pression sur le général Cedras et le menace d'aggraver les sanctions économiques contre Haïti. Ces sanctions dont vous avez déjà parlé, c'était quoi? Un embargo sur le pétrole et les armes, essentiellement. Mais il faut le souligner, ces sanctions n'étaient guère efficaces. Et elles permettaient même aux dirigeants haïtiens de s'enrichir. Ah, il faut m'expliquer, là. La contrebande avait pris le relais. Et les patrons de la junte touchaient à chaque fois. Ça me rappelle un peu ce qui se passait en Irak avant la chute de Saddam. Exactement. Les sanctions de l'ONU ont permis à Saddam Hussein et aux siens de se constituer un véritable trésor. Je reprends. Clinton, donc, menace et on va assister à une véritable farce. Le général Cedras accepte de venir aux États-Unis et de rencontrer Aristide. Ça se passe à l'été 93. Les deux adversaires discutent sous les auspices des Américains et ils parviennent à un accord. Quels en sont les termes? En échange d'une amnistie pour les putschistes, Cedras accepte de démissionner et de laisser la place à Aristide dès l'automne. Il est en outre prévu de placer la police et l'armée sous contrôle international. Enfin, je vous l'ai dit, c'était une véritable farce. Parce que dès que Cedras est de retour en Haïti, il s'empresse de renier sa signature et la répression contre les partisans de Tidier de reprendre plus belle. Et les États-Unis laissent faire? Attendez la suite. Au mois d'octobre, un navire américain se présente devant Port-au-Prince. À bord, il y a 200 instructeurs militaires américains. C'est l'avant-garde de la force qui, selon l'accord signé entre Cedras et Aristide, doit encadrer la police et l'armée haïtienne. Mais sur le port, quelques dizaines de braillards armés s'opposent au débarquement de ces soldats. Que se passe-t-il là? Sur ordre de la Maison-Blanche, le navire fait demi-tour. Il faut dire à la décharge de Washington qu'une semaine plus tôt, les Américains ont perdu 18 hommes en Somalie. Oui, je me souviens. Et Bill Clinton n'a pas envie de réitérer cette douloureuse expérience? Oui, les choses ne sont pas aussi claires que cela. Car en réalité, les Américains pratiquent un double jeu. Je ne vous donnerai qu'une preuve de ce que j'avance. Ces hommes armés qui ont obtenu que le navire américain rebouche chemin étaient commandés par un type qui était aux ordres de la CIA. Revenons un instant sur l'attitude de Clinton dans cette affaire. Pierre Mélandry et Justin Vess écrivent ceci dans leur ouvrage paru chez Odile Jacob, Les États-Unis et le monde depuis la fin de la guerre froide. En 1992, Clinton avait à maintes reprises suggéré qu'il renverserait la politique dure de Bush s'il l'emportait, et qu'il accorderait l'asile politique aux Haïtiens qui le demanderaient. Mais ses services de renseignement l'avaient alerté dès son arrivée que son message n'avait été que trop bien répercuté. Quelques 200 000 Haïtiens s'apprêtaient à embarquer. Affolé, le président avait conclu qu'il ne pourrait ouvrir ses frontières comme ses supporters l'avaient espéré, et qu'il ne lui restait plus qu'une issue, imposer le départ de la junte et le retour d'Aristide avec l'aide de l'ONU. Son calcul put paraître un temps fondé. Le 10 octobre 1993, un navire de la marine, l'USS Harlan County, approchait de l'île où il devait débarquer, entre autres, 200 ingénieurs et formateurs militaires chargés d'aider les Haïtiens à se gouverner. Seulement, la junte faisait savoir son hostilité à leur arrivée. Bientôt, des bandes de voyous armés de machettes et de pistolets se répandaient en criant « Somalie, Somalie » sur les quais. À Washington, le débat s'engageait autour d'un président soucieux de ne plus voir de Boyce tué. Le 12, la décision tombait. La plus grande puissance militaire que le monde ait jamais comptée donnait ordre à son navire de ne pas accoster. Ce recul pouvait être doublement déploré. Tout d'abord, il était probablement injustifié. La CIA aurait su que les voyous se disperseraient si les Américains débarquaient, mais sans doute parce qu'elle n'aimait guère Aristide, elle avait omis d'en informer les autorités. Alors ce double jeu des Américains, là, vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors si vous voulez. Alors revenons sur l'affaire de ce navire américain qui a été empêché d'accoster à Port-au-Prince. Qui étaient les braillards armés qui ont manifesté sur les quais? La plupart appartenaient à un mouvement, le FRAP, ce qui doit vouloir dire quelque chose comme le Front pour l'avancement et le progrès haïtien. Mmh. En fait, c'était surtout une sorte de milice armée qui faisait régner la terreur en Haïti. En accord avec la jeune qui dirigeait le pays, j'imagine. Bien entendu. Leur chef était un certain Emmanuel Constant, qu'on appelait plus familièrement Toto. Ce triste personnage, c'est lui-même qui l'a affirmé, travailler pour la CIA. L'agence américaine, en participant à la création du FRAP, voulait faire pièce au parti d'Aristide, le Lavalas. Mmh. D'accord, mais le Lavalas, là, le mouvement d'Aristide, n'était pas une milice armée. C'est vrai, même si plus tard, il aura tendance à le devenir. Oui, mais attendez. À part l'aveu de Constant, là, disposez-vous de preuves de l'acquaintance de ce FRAP avec la CIA? Oui. Oui, quand les Américains se décideront à agir en septembre 1994... Agir contre les putschistes. Évidemment. Mm. Eh bien, les hommes de Constant seront curieusement épargnés. Et ceux qui seront quand même arrêtés seront rapidement relâchés. Mm. Constant lui-même, là? Il n'a pas été inquiété. Il a pu tranquillement trouver refuge aux États-Unis avec un visa de tourisme. Mais il y a encore plus extraordinaire. Quand Haïti demandera son extradition, son expulsion des États-Unis sera bloquée par le département d'État. Et il continuera à vivre tranquillement là-bas. Mais il était donc protégé. Bien sûr. Alors si vous le voulez, reprenons le fil du récit. Les États-Unis, je crois, vous l'avoir démontré, jouent un double jeu. Mmh. Une question avant, quand même. Est-ce qu'on peut imaginer que la Maison-Blanche ne savait pas ce que faisait la CIA en Haïti? Bon, ça me paraît douteux. Même si Clinton, bien entendu, ne pouvait approuver officiellement les magouilles de la centrale. Mais tout ça l'arrangeait bien, au fond. Ah bah, il faut m'expliquer, quand même. Bah, il savait qu'un jour ou l'autre, il devrait intervenir en Haïti pour chasser les militaires. Car l'opinion internationale se faisait de plus en plus pressante. Et puis, il y avait ces boat people, toujours plus nombreux, qui débarquaient aux États-Unis et qui posaient de graves problèmes, d'autant que s'y mêlaient des Cubains. Attendez, les Cubains, là, quel rapport? Bah, Castro, sans doute, pour nuire aux Américains et aussi pour se débarrasser de ses opposants, avait légalisé l'immigration. Et c'était maintenant un véritable flot de réfugiés qui affluait régulièrement sur les côtes américaines, à un point tel que la Maison-Blanche a imaginé de confiner ces émigrants à Guantanamo. Guantanamo, oui. Mais intervenir, ça voulait dire consentir au retour d'Aristide. Ah, mais pas à n'importe quelle condition. Clinton voulait un président haïtien à sa main. À sa main, c'est-à-dire? Un Aristide affaibli est donc prêt à lui obéir. Et prêt aussi à ménager les intérêts américains. C'est certain. Mmh. Alors c'est aussi dans cette optique qu'il faut comprendre la création de ce FRAP, pour faire pression sur Aristide. Mais alors, ça, en suscitant un mouvement politique concurrent. Oui, un parti susceptible de contrebalancer l'influence des fidèles d'Aristide. Mmh. Mais qu'espéraient, au fond? Qu'espéraient obtenir les Américains? Je vous l'ai dit. Il voulait un président Aristide docile, un président qui abandonnerait une partie de son programme populiste, un président enfin qui légitimerait leur intervention à Haïti. Car c'est bien de ça dont il s'agissait. La Maison-Blanche savait bien que rien ne se réglerait en Haïti si les soldats américains n'intervenaient pas et faisaient au moins semblant de restaurer la démocratie. Oui, permettant le retour du président élu. C'est ça. Mmh. Mais au préalable, et c'était aussi un élément du plan, on a noté le développement d'une véritable campagne anti-Aristide aux États-Unis. Une campagne quoi? Politique? Psychologique, comme vous voudrez. Enfin, certes, aux États-Unis, dans les milieux conservateurs, Aristide n'était pas très populaire. Ça se comprend, oui. Ouais. Mais il avait quand même des partisans. Alors toujours, pour le fragiliser, on l'a diabolisé. Des journaux ont prétendu qu'il était drogué, mentalement instable, maniaco-dépressif, enfin j'en passe. Ouais. Et qui se trouvait derrière cette campagne? Je n'en ai pas la preuve, mais je suis persuadé que la centrale américaine ne devait pas y être tout à fait étrangère. Bon, y avait-il un fond de vérité derrière ces allégations? Franchement, l'évolution du personnage après son retour en Haïti pourrait laisser penser que tout n'était pas faux dans ces accusations, car c'est un Aristide complètement différent qui va rentrer dans son pays. Le prêtre des pauvres est bien loin. Mais, c'est donc son séjour aux États-Unis qui l'a transformé? Certainement. Et peut-être aussi son mariage. Ah, Aristide mariage. Abandonne la prêtrise et épouse une riche avocate, une mulâtresse. Pour les Noirs les plus pauvres, c'est une sorte de trahison. Mais revenons un tout petit peu en arrière. En septembre 1994, les Américains, avec l'aval de l'ONU, débarquent en Haïti. Auparavant, les généraux putschistes, sans doute lestés de quelques valises de dollars, se sont éclipsés bien sagement. Et cette intervention militaire, enfin, si je me souviens bien, s'effectue sans aucune difficulté. Oui, les soldats américains ne rencontrent aucune résistance. Et Aristide reprend les rênes du pouvoir. Donc, élu fin 90, son mandat court encore pendant un an. Ben, il voudrait bien que l'on considère que pendant ses 3 ans d'exil, il est empêché d'exercer le pouvoir. Oui, il voudrait donc que son mandat soit prolongé d'autant. Mais les Américains lui font clairement comprendre qu'il n'en est pas question. Par conséquent, comme la constitution haïtienne ne lui permet pas de se représenter, il va être obligé de céder le pouvoir à l'un de ses proches, René Préval. Celui-ci est élu avec 90% des voix. Mais plus de 70% des Haïtiens ne sont pas allés voter. Comment expliquer cette... C'est que le mythe Aristide s'est écroulé. Les Haïtiens n'y croient plus. Aristide, puis son successeur, Préval, ont abandonné leurs idéaux. Leur politique est désormais résolument libérale. Et un peu comme ce qui se passe en ce moment en Irak, la priorité, c'est de favoriser les intérêts américains. Aristide, avant de quitter le pouvoir, a quand même pris une décision importante. Il a démantelé les forces armées. Parce qu'il avait peur d'un nouveau putsch ? Certainement. Et à la place, on crée une force de police intérimaire entraînée par des instructeurs onusiens. Mais à cause du chaos grandissant, ça ne fonctionnera pas. Le chaos grandissant, mais ça veut donc dire que la restauration de la démocratie est un échec. Oui. La présidence Préval, qui est en fait une présidence Aristide Bis, se révèle être une véritable catastrophe à tout point de vue. D'abord sur le plan politique, car le parti d'Aristide se déchire, et bientôt la crise est telle que Haïti vivra sans gouvernement pendant plus de 2 ans. Mais sur le plan économique, c'est encore pire. Le pays ne cesse de s'appauvrir. 3 Haïtiens sur 4 sont au chômage et Haïti ne vit que grâce à l'aide internationale. Et justement, alors, la communauté internationale, elle ne réagit pas ? Eh bien non. Elle laisse le pays s'enfoncer dans la misère et la violence. Et elle finira même par couper toutes les aides. En fait, un seul secteur progresse en Haïti, celui des trafics de drogue. Avec une police corrompue, un personnel politique qui ne l'est pas moins, le commerce de la cocaïne progresse. Haïti est devenu une véritable plateforme du trafic en direction des États-Unis. Alors, les Américains ne sont-ils pas tentés d'intervenir à nouveau ? Sans doute le feront-ils un jour. Une conférence secrète s'est par exemple tenue en janvier 2003 entre les États-Unis, la France et le Canada pour essayer de trouver une solution. Enfin, en ce moment, George Bush Jr. a d'autres priorités. Hein ? Bien entendu. Haïti ne fait pas partie de l'axe du mal. Et puis, le monstre qu'est devenu Haïti est en quelque sorte une création des Américains qui n'ont cessé d'intervenir à tout propos dans la vie du pays. En outre, certains des hommes qui contrôlent le marché de la drogue sont très proches de la CIA. Et tout cela est peut-être très embarrassant. Et Aristide ? Après avoir gagné les élections législatives en 2000, avec des moyens plus que douteux, il a été réélu à la présidence. Moins de 5% des Haïtiens se sont déplacés pour voter. C'est vous dire combien il est aujourd'hui renié par la population haïtienne et combien son image s'est démonétisée. D'ailleurs, Aristide gouverne avec les mêmes méthodes que les Duvaliers. Oui, lui aussi, là, c'est Tonton Macoute. Il s'appelle maintenant les Chimères. Et ces bandes armées sèment, elles aussi, la terreur dans le pays et commettent même des assassinats, en toute impunité. Oui, décidément, le prêtre des bidonvilles a bien changé. Et comme les Duvaliers père et fils, il a oublié ce que c'était d'être pauvre. Certains d'entre vous vont encore penser qu'il est vraiment trop facile de voir la main de la CIA dans tous les mauvais coups qui sont perpétrés dans le monde. Alors je me contenterai de vous citer un extrait d'une très sérieuse enquête de la revue new-yorkaise The Nation. Ce texte a été écrit après l'intervention américaine de 1994. À Haïti, les groupes paramilitaires sont toujours armés et en liberté. Face aux protestations croissantes, les États-Unis ont une fois encore nié toute collaboration avec les coupables, y compris avec le FRAP, le Front pour l'avancement et le progrès haïtien. L'escadron de la mort, dont le responsable Emmanuel Constant travaillait pour la CIA. Mais des preuves récentes démontrent que depuis le milieu de l'année 1993, le FRAP a entamé son règne de terreur grâce à des livraisons secrètes d'armes américaines et que des membres du FRAP encore actifs ont été, il y a peu, employés par la force américaine d'intervention.